de la tyrannie, l'Itamar sera élevé, l'Itamar sera élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mais il s'est farouché soldat, il vient suspect à vos bras, égorgé au fils de campagne. Thank you. anime por te urtenevo cu mi parniese triste victime a regresso armato trevu a regresso armato trevu bene despote sanguinar bene capisse de vie tu se tigre chi se piti di scira e se de la